Allô chérie, c'est encore moi. Ça fait maintenant, s'il te plaît. J'en peux plus. Téléphone est coupé, mais téléphone est déco. On s'est dit là en pleine année. Passons à Guila, puis elle est sétrée. On s'est dit là en pleine année. A Kanyende, qui est pris là mon haut. Oh ah ah, tu vas divaner là. Coupé, coupé, coupé. Tu m'as coupé.